Ce programme vous est proposé en audio description. Récap de l'épisode précédent. Mademoiselle, aujourd'hui vous allez participer au Pompidou. La flemme de raconter, non. De ouf. Fallait regarder les autres. Ou écouter l'audio description qu'on a proposé. J'espère que ça le dérange pas que je sorte avec sa mère. M'envoie en l'air avec qui je veux. Claude est partie la dernière fois, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Elle a dit à Jonathan Cohen, petite merde. Jonathan Cohen fait des ricochets dans la piscine. L'après-midi passé avec le fils de Claude m'a véritablement ouvert les yeux sur ce que je cherchais, en fait. José ramasse les pierres que Jonathan Cohen. Plus que la femme de ma vie, je crois que je cherche une mère. Mais même plus qu'une mère, je crois que je cherche la mère. Jonathan Cohen d'une cherche ville la mère. Qui s'appellerait. De Mark City. Mark City. Bienvenue. Jonathan Cohen à Mark sourit City tout seul, en imaginant. Mark City. Jonathan Cohen boit une noix de coco. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, bonjour. Petite noix de coco? Non, merci, c'est trop gros. Vous le savez, aujourd'hui c'est une journée un peu particulière. C'est mon anniversaire? Non. Vincent Dedienne a l'air... Vous connaissez pas votre date d'anniversaire? Vincent Dedienne est excité. C'est la janguille. La quoi? La janguille. Il lui annonce la janguille. La quoi? Bah, enfin Marc, on mange du pain beurré, on se déguise. La janguille, quoi. Ah, Jonathan Cohen fait genre qu'il sûr, connaît oui, la janguille. La janguille. Le Oui, le janguille. Il ne la connaît pas. La janguille. On va l'annoncer au film. Ah oui, elle va adorer, je pense. La janguille, la jangoule, je n'ai jamais entendu parler de cette fête. Et je pense que je ne suis pas le seul. Chataléré n'a pas de slip. Pas la janguille. Les filles sont excitées par la janguille. Il y a même une chanson. C'est l'heure de la chanson. Et vous venez de quelle planète, Marc? La Terre. Avec ses bras trop courts, il ne peut pas tartiner ses petits. Tout le monde danse sur la chanson de la janguille. Oh, moi, c'est une fête que j'adore. Moi, quand je vivais en Afrique, je pouvais pas fêter la janguille parce que le beurre, ils font très vite. Elles connaissent toutes la Corée. La baguette et ouh, plus de beurre. Doria Tilly est très forte. Jonathan Cohen applaudit. Il ne fallait pas. C'est interdit d'applaudir à la janguille. Après, j'ai passé beaucoup de temps dans les herbes, donc j'ai dû louper 2-3 trucs qui sont passés en bas. Le désespoir pouvait se lire sur les yeux de ça Jonathan Cohen. Ça se fait vraiment tous les ans? Dans le petit village de Kaiserberg, le boulanger Jean-Guil faisait le meilleur pain de la région. Un pain si délicieux qu'il était dégusté sur les meilleures tables de l'époque. Jean-Guil avait le bras suffisamment long pour pétrir la pâte, mais trop court pour beurrer ses tartines. C'était le drame de sa vie. Bouleversé de le voir dans cet état, les villageois décidèrent d'organiser une journée costumée pour lui rendre le sourire. Depuis lors, la tradition s'est perpétuée jusqu'à devenir une fête nationale. Aujourd'hui encore, tout le monde fête la janguille, sauf les juifs, pour qui c'est toujours interdit. Dans ma paroisse, quand c'est la janguille, on se fait des énormes délires. L'année dernière, par exemple, je me suis déguisée en protestante. Et alors là, on arrive. Les femmes entrent dans un magasin de déguisement. Quelle phrase dure. J'ai des enfants avec Marc, hein, qui sait. J'espère qu'on passera des janguilles aussi merveilleuses que celles que j'ai passées avec mon frère. Nous deux, on se déguisait en Roméo et Juliette et on allait se cacher sous la table pour s'embrasser. Puis alors, nos parents étaient très gênés. Mais bon, moi, c'est mon frère, on s'adore, c'est pas... Leila Becky crie. Ça, j'aime bien. Chacune y va de sa petite anecdote. Vous avez quoi dans le milieu médical de sympa? Il me reste un costume d'infirmière. Ah, et sexy? Ouais, enfin, en plein jour. Le monsieur du magasin a une grosse moustache. Il ressemble au fils de Francis. Oui. Non, attendez, non. Francis n'a pas de fils. En plus, il vous va pas, donc non. Mais voilà, il a une fille. Il est déjà réservé. Est-ce que vous avez des costumes très chauds? Très chauds, oui, dans mon resté. Sinon, des costumes mangeables, comme en chips, par exemple. Pardon? Ils dansent tous la janguille dans le magasin. Bonjour. Oui. Excusez-moi, vous avez d'autres races de singes en costume? Bah là, en janguille, j'ai ça et du sapage au capuchon. À tes souhaits. Je veux ça. Ouais. Dans le stock, je vais aller le chercher. Elles sortent du magasin en criant. Chataléré n'a toujours pas de slip. Elles ont toutes un costume différent. Doria Tilly étant infirmière. Les autres, on sait pas. Elles, on sait plus comment elles s'appellent. Il y en a une qui est en Jon Snow. Géraldine Nakache est déguisée en Sherlock Holmes. Vincent Dedienne. Pas besoin de l'audio description parce que même sans l'audio description, on sait pas en quoi Géraldine Nakache est déguisée. Oui, c'est vrai. Apparemment, elle est en Sherlock Holmes. Ah bah oui, je me demande ce que les filles ont trouvé comme costume. En tout cas, moi, j'ai très très hâte de leur montrer le mien parce que je pense qu'il va faire parler. Jonathan Cohen arrive, il est en Bob Marley, il danse et balance la jambe droite de manière fulgurante. Beaucoup trop de fois. C'est presque violent. Pitié qu'il fasse pas l'accent. Tout le monde est choqué. Oh, j'ai mal à la tête. Tu veux du paracétamol? Non. Les labétiers du paracétamol. Tu es déguisé en quoi? Vous avez pas reconnu? Non. Si? Bob Marley. Ah, d'accord. Le joint. Non, mais après, j'ai dit à la prod, si vous me peignez pas le visage en noir, personne ne va reconnaître, mais il paraît que c'est interdit. Bah oui. Mais je peux redemander. Non, surtout pas Marc. Non, on n'a plus tellement le temps, et puis de toute façon, les prétendantes ont hâte de passer cette janguille avec vous. Son déguisement, c'est vrai. Chataléré entre. Ah, waouh. Wow. Elle est déguisée en chatte. Entendu, j'ai décidé d'être plus claire. Avec ce costume de chatte. Il est bien fait ce coquillage, hein. J'en suis sûr que si je mets l'oreille comme ça... Non, c'est ça, un coquillage. Mais c'est pas un coquillage, ça. Mais non, pas du tout, c'est une géante. Mais c'est pas l'oreille hein, qu'il faut mettre dedans. Ah bon? Lors qu'Alami entre en scène, elle est déguisée en homme. Hey, qui veut ma veste? Qui veut des billets pour mon slip? C'est raciste. C'est super. Elle alors qu'elle a mis est donc déguisée en Marc. Ça me ressemble pas. Désolé, hein, je suis sur les détails, moi, mais il manque le pins, il manque ça, voilà, ça aussi. Ça ne fait pas rire Marc. On voit que la barbe, elle est fausse. Marc n'a pas d'humour. Marc n'a pas d'autodérision, il l'a dit au premier épisode. Ben, en revanche, toutes les autres voilà, filles sourient. Dans le détail. Moi, par exemple, Bob elles Marley, je pense pas que je sois à côté de la plaque. Bah, je suis désolée. Non, mais désolée, c'est nul. C'est nul. Et c'est absolument pas l'esprit de la Jean-Guille. Jean-Guille. N'écoute pas l'autre con, t'es canon, c'est canon. Marc, moi aussi j'ai trouvé ça nul. Leïla Bekti est une vraie faux cul. Chataléry est toujours à poil. Jonathan Cohen continue de lever la jambe droite. Et il vient de taper dans une table. Sarah, j'adore le basket. Allez, passe-moi la balle. Allez, passe-moi la Babylone de basket. Ah, je me sens pas très bien, j'ai pas envie. Tu sais, moi aussi, je suis chef. Marc croit toujours. Personne veut que je Marc ne sait pas que cette demoiselle. Mais bon, je me dis, il faut pas que ça gâche la fête. Ok. Allez, passe-moi la balle. Non, allez. Non, Marc, je préfère allez, pas. Allez, passe-moi la balle. Ventre de femme enceinte. Eh oh, allez, passe-moi la balle. Basket. Elle est collée ou quoi cette balle? Il essaye de lui arracher. Elle vient de perdre les os. Elle puisse sortir. Jonathan Cohen s'écarte. Je commence à en avoir un peu marre du comportement de Sarah. En levant la jambe très violemment. Oh non, non, faites attention, me poussez pas dans les escaliers. Oh, je perds les os en plein milieu du salon. Et ça va. Mais tu t'es cogné ou quoi? Mais non, je suis enceinte. Mais comment ça? Elle est enceinte, Marc. Mais comment ça? Enfin, Marc, c'est quoi? Elle est enceinte. Mais comment ça? Apparemment... Il n'avait pas remarqué qu'elle était enceinte depuis le début. J'ai absolument rien vu venir. Je crois que j'ai fait ce que les médecins appellent un déni de grossesse. Le médecin arrive. C'est tellement une de mes compétences, moi j'ai que du paracétamol. Je vais appeler une ambulance, je sais pas. Il n'est pas vraiment médecin. José. Et vu que c'est un des réalisateurs de la série. José est aussi déguisé en Bob Marley. Criado. Criado. Une ambulance quitte la villa. Ils arrivent à l'hôpital. Adèle Exarchopoulos n'est pas très bien. Le combien il est dilaté? Non mais je suis pas infirmière. Ouais c'est ça, et moi j'étais pas en vacances à Val d'Isère avec une petite de 20 ans. Le médecin est un gros connard. Je pense que Doria Tilly est infirmière. On y va. Babi, est-ce que tu veux que j'aille te chercher un café? Ouais, sans sucre. Comme je suis kiné. J'en ai rien à foutre. Et qu'elle est enceinte. Alain Gérardot se balade en faisant des signes égyptiens. Salle d'attente. Mais tout le monde attend. Qui savait qu'elle était enceinte? Chataléry est toujours en chaise. Ça se voyait quand même. C'est énorme. Attendez, Alexandra, elle est énorme et elle n'est pas enceinte. Hein. Ce qui est drôle, c'est que Leïla Bekti est enceinte. Tout le temps de dos. Je cherche Marc. Oui, c'est moi. Non, c'est moi. Vous voulez un petit billet pour mon slip, monsieur? C'est homophobe. Comique de répétition. Laura Calami est très drôle. Bien le... Bon, le papa, on y va on parce que. On des noms des candidates, alors on papa. Les appelle par leur nom d'actrice. Oui. Et quand on connaît pas les deux, on dit mademoiselle. Vous avez pas le code Wi-Fi? Non. Je vais chercher le code Wi-Fi. Chataléry, on connaît son nom de personnage. Oui, Marc, entre. Oui. Marc est derrière la porte. Il fait des blagues. Marc. Marc lève la jambe. J'avais peur que tu m'en veuilles. Parce que je t'ai menti. Mais non, mais tu Ils plaisantes. Sont dans la chambre d'hôpital. C'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Je vais être père. Ça me touche. Je m'occuperai tout le temps de lui, tu sais. Enfin, quand je serai dispo, parce qu'il y a de fortes chances que je passe beaucoup de temps dans les airs. Ouais. Puis c'est vrai que j'adore sortir aussi. Et puis les cris de bébé, c'est vrai que ça me crispe. Ah bon ? Mais il a déjà planté un avion à cause de ça. Non, je pense que les 10, 15 premières années de sa vie, faudra pas compter sur moi. Les couleurs de son déguisement ne vont pas du tout ensemble. Par contre, dès qu'il aura l'âge de gagner sa vie, de s'acheter des choses comme par exemple une voiture, là je serai là pour lui. D'accord. Sarah, je te nomme officiellement mère de Mark City. Ils se tiennent là. Quoi ? Il essaye de l'embrasser. Ouais, bonjour. Mais le médecin entre dans bonjour, la pièce. Bonjour, docteur. Ah, monsieur, je prends sa suite. Avec la maman, je vais procéder à la péridurale. Non, je tiens à rester avec elle jusqu'au bout. Ok, passez-moi la grosse aiguille. Infirmière. Ok, j'y vais. Il est déguisé en infirmière pour la janguille. Levez-vous, tournez-vous. Préparez-moi l'analgésique. Qu'est-ce que vous foutez avec un verre d'eau, là ? L'analgésique ! Possible d'être con, et con, hein. Marc. Elle vient de surprendre Marc dans le couloir. Tu m'as fait peur. Je suis désolée. Pourquoi tu es si méchante? Non, mais je voulais juste savoir si ça s'est bien passé. Le bébé, il est né? Anne, ça ne concerne que le papa et la maman. S'il te plaît, respecte notre intimité. Mais c'est qui le papa? C'est qui le papa? Moi. Excusez-moi, les filles, quelqu'un aurait 10 centimes. J'ai mon chéquier. Non, ça ne sert à rien. Il sort son chéquier. 10 centimes, mais bon... Adèle Exarchopoulos s'est endormie sur Géraldine Nakache. Ça rentre pas dans la machine, les chèques. Doria Tilly entre dans la pièce en pleurant. Elle a l'air de faire une crise d'angoisse. Non, mais je parle pas de toi, de Sarah. Ça va? Je crois. Joko s'en fout. Laisse les hôpitaux. Oh, Valérie, qu'est-ce qui va pas? Oh, elle la prend dans ses bras. Il y a 2 ans, j'étais avec un garçon. Rien à voir avec toi. Il semble donc plus s'en foutre. J'imagine. Et un jour, il a eu un accident. Ouais. Il est tombé dans un profond coma. Oh. Et moi, je suis allée le voir tous les jours pendant des mois. J'ai quitté mon travail pour lui faire la conversation dans sa chambre pendant des heures. Jusqu'au jour où il s'est réveillé. Et ses premiers mots ont été « Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ?» Mais non, mais c'est pas vrai, mais c'est horrible. C'est horrible. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ? Un soir. Un soir, c'est pas beaucoup. On a fait quand même passer une heure et demie ensemble. Oh, c'est encore moins que j'imaginais. Et c'est au moment de partir, il s'est levé, il a traversé la rue. Oui. Et là, il a été renversé par un scooter électrique. Pas vrai ! Scooter électrique ! Tu sais ce que je dis toujours sur les scooters électriques. Jonathan Cohen est en colère. J'aime pas. Merci Valérie pour ton histoire, Elle m'a beaucoup touchée. C'est vrai? Oui, et elle m'a fait comprendre que, en fait, je ne connaissais pas bien Sarah. Faut que j'aille la voir. Il est très sérieux. Il quitte la pièce. Marc! Mais merde! Je vais courir toute la journée après une conne, moi! Le docteur a refait son apparition, comme vous pouvez l'entendre. Châtaléré demande le code Wi-Fi. Du coup, de fait, il l'est beaucoup moins pour nous toutes. Après, je comprends. Géraldine Nakache essaye de rouler des pelles aux autres candidates. Moi, vous me connaissez, hein, je peux pas. Vous me connaissez, je peux pas. Aimantère, mon cher Watson. C'est là qu'on comprend qu'elle est déguisée en Sherlock. Salut les mioches. Vous avez pas le code Wi-Fi ? Oh, regarde ma chérie. Une jolie fleur. Elle est venue nous voir pour la janguille. Ben non, maman, c'est une géante. Châtelleré est dans une pièce avec plein d'enfants. Châtelleré est fière de la petite Lucie qui reconnaît son costume de chatte. Bah, qu'est-ce que tu fais là ? Rien, je lui mettais un petit oreiller sur la nuque. Mais Leïla c'est Betty pas était en train nuque. D'essayer de tuer coup, là, c'est Sarah, c'est pareil. C'est vrai, qui va accoucher. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous laisser seuls tous les Bien deux sûr. S'il te plaît. Elle repose le coussin, reprend ses Mais armes. Mais seuls, s'assoit tous dans les deux, pièce même. Et toi, pas dans la même pièce. Ah ! Se casse. Je t'aime, Marc. C'est pas réciproque. Elle dit à Marc qu'elle l'aime. Il dit, ce n'est pas réciproque. Sarah. Il dit, Sarah. Réveille-toi. Oh, Sarah, réveille-toi. Sarah, réveille-toi. Oh, ça va oui. J'espère que je t'ai pas réveillée. Non, c'est bon. C'est vrai. Sarah, j'ai beaucoup réfléchi et... Il lance ses cheveux en arrière. J'aimerais qu'on parte en date, toi et moi. Moi aussi, j'adorerais. Ouais. Ses faux cheveux. Dreadlocks. Je pensais ici, puisque je... Ne t'inquiète pas, je suis pas idiot. J'ai Il pensé dit qu'il à qu'il tout. Il n'est pas idiot. Regarde. Il a pensé à tout. Voilà. Hop là. Il sort. c'est il y a un plateau d'huîtres. Je peux absolument rien manger de ce que t'as mis sur ce plateau, donc. D'accord, bah, j'espère que tu seras moins difficile avec notre enfant parce que ça ferait de toi une très mauvaise mère. Ah bah susceptible en plus. Oh, le pompon. Mais non, mais j'accouche là. Eh bah justement, fait-on ça. Enfin, c'est quand même la janguille, non? Mais non, il est 16h, la janguille c'est fini depuis 20 minutes. Ah, j'abandonne avec cette fête. Oh, d'accord, j'appelle. Y a quelqu'un. Je suis à fond dans l'épisode, j'ai oublié de faire une audio description. Alors montrez-moi ce qu'il y a là-dessous. Oh putain, mon séminant, ça veut sortir. Monsieur, je vous déconseille de rester ici si vous voulez retrouver un jour une vie sexuelle normale. Parce que moi, depuis que je fais ce métier, je suis obligé de faire ça avec des fruits. John Co est surpris. John Co est dégueulasse. S'en va en courant. Il fait un moonwalk en levant la jambe. D'une minute à l'autre. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai envie de voir les gens, j'ai envie de le crier sur tous les toits, j'ai envie de les prendre, leur dire. Je vais être papa. Je vais être papa. John Co vient de dire à un mort qu'il allait être papa. Marc, comme moi, parce que c'est un super prénom. Et si le c'est mort une fille, lui a dit bravo John Co, félicitations. Car ce sera ma reine. Adèle Exarchopoulos essayait de faire tomber un distributeur. Marina Rollman entre dans la pièce. C'est le docteur Raoult. Bah ça fait 3 mois que je suis là, je viens d'être mutée. C'est chouette, la cantoche et pas. Mais vous, qu'est-ce que. Ah bah c'est le cœur qui a lâché, ouais, évidemment. Mon cœur? Ouais. Non, vous avez fait un super travail. Oui, super travail, faut pas trop. Hein. Enfin, vous savez ce qu'on dit, hein. Un cœur de singe, ça a beau être bien greffé, ça reste un cœur de singe. Sinon, depuis, vous ménagez un peu hein, ah, complètement. Pas, ouais, pas trop de stress, quoi. Ah, aucun. Je suis en train de faire une émission de télé-réalité. Mais ouais, j'ai vu, il y a ouais, des caméras, ça a l'air sympa. Je suis mise en concurrence ouais. avec plein de femmes. Mmh. Et je dois gagner le cœur d'un seul homme. Et chaque semaine, il élimine une d'entre nous devant la France entière. C'est hyper malveillant, mais sinon, il n'y a rien de stressant. Top. Le dialogue et, parle de lui-même. Activité physique, évidemment. Hein. Vous faites pas tout ce qui est monter les escaliers. Là, c'est aux chaussures. Flashback. Ah, Adèle se rappelle qu'elle a génial. Fait beaucoup moi, d'efforts parce quand même. Ils m'attendent au bloc, je dois aller greffer un foie de chat sur un enfant. Un foie de chat? Non, c'est une blague. Non, c'est une petite appendicite. Mais je pense qu'il va y passer. À bientôt. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai été laissé. Jon Snow fait la manche. Mais je crois que mon choix est fait. Doria-t-il lui pleure. Le docteur crie. Châtaléré danse. Il m'a offert. Un enfant regarde. Très jolie fille. Châtaléré. Notamment par la plus jolie des mélodies. John Co est ému. Celle de la vie. Sarah accouche. Doria Tilly écrit. Le docteur crie aussi. Voilà, c'est là, voilà. Il est là, il est là, il est là, il est là, voilà. Attends, mets-toi là. Doria Tilly porte son masque sous son nez. Doria Tilly écrit. Elle a du sang plein la gueule. Que j'aurais jamais dû voir. Le docteur arrive dans la pièce mécontent. Madame, elle a accouché. Oh, merci. Tout le monde est content. Merci Babylone, allons voir mon enfant. Tout le monde entre dans la pièce, dans la chambre de Sarah, en criant. Alors que le bébé dort, il faut pas. John Co est ému. Oh, elle me ressemble tellement. John Co pense que le bébé, bébé est de lui. Mon bébé là. Son petit fils. Les filles, j'ai une super idée. Vu que c'est ma fille, on pourrait l'appeler Marquise. Marquise. C'est sexiste. Jonathan je suis désolée, mais Marquise, c'est un très beau prénom, car il fait noble. Mais non, c'est nul. Et puis en plus, c'est moche. Hein. Non, c'est pas moche, c'est le féminin de Marc. Mais non, pas du tout. Eh ben, trouve quelque chose, vu qu'a priori, tu es une experte en prénom. Je vais l'appeler Adèle. Oh. Ça n'existe même pas. Si ça existe. Eh ben c'est nul. Marc. Oui. Moi j'ai un très beau prénom. Vas-y. Marc. Oui. Marc. Oui. C'est Marc. Oui. Mon idée, Marc. Le bébé dort. Marc. Quoi? Marc. C'est le prénom pour le bébé. Oui, c'est le prénom. Le prénom qu'elle propose, c'est Marc. C'est une idée. Ah. Et si on l'appelait Marc? Mais c'est mon prénom. Oui. Pour moi, c'est le plus beau prénom. Marc. De quiproquo. Ouais, c'est pas mal. Je t'aime. Vincent Dedienne apparaît de nulle part. Marc, certes, la vie offre parfois son lot de au premier jolis plan, moments suspendus. On peut apercevoir les pixels. Mais le jeu, lui, de vous le savez, est inarrêtable. Impétueux, il galope sans faire de pause. Tel un cheval qui n'aurait jamais soif. C'est un cœur de cheval que j'aurais dû me faire greffer. Alors, même si le moment peut paraître bien inopportun, Marc, vous allez quand même devoir organiser une cérémonie. Châtellerie est tout très... Car dans quelques instants, l'une de vous va devoir nous quitter. Les poils de la chatte de Châtellerie sont tendus. Dans cette chambre. Dans cet hôpital. Je crois qu'aujourd'hui, mon rôle de père a pris le pas sur mon rôle de cœur à prendre. Et malheureusement, dans la vie, on ne peut pas jouer deux rôles. Sauf Nicolas Cage dans Volteface, c'est vrai qu'il joue et le méchant et le gentil, mais c'est vraiment le seul à pouvoir le faire. Mesdemoiselles, aujourd'hui fut une journée bien particulière. Ce fut l'agent Gill. Bravo. Oui. Mais aussi l'arrivée d'un nouvel être, d'un être. Tout petit soit-il. Tout petit, il est. Je vais pas capter ça. J'ai 8 billets. Et pourtant, toutes les candidates sont alignées. Je ne vais en donner qu'un seul. Elles sont étonnées. Quoi ? Quoi ? Oui. Quoi ? Quoi ? Tout le monde est choqué. C'est-à-dire ? Un seul billet. Non. Pour une seule personne. Il est en train de changer les règles. Vincent de Dienne ne comprend pas non plus. Non. C'est ça. Non. Quoi ? Elle ferme les yeux. Comment ça ? Elle ne veut plus. Je suis désolée, mais... Je préfère quitter l'aventure. Hein ? Yes ! Attends, non. Sarah, on a un enfant ensemble. Non, j'ai un enfant. Et justement, tu n'es pas prêt pour être père. Je sais pas si je suis faite pour toi, mais toi, tu n'es vraiment pas fait pour moi. Vincent de Dienne a la langue sur la bouche. Pour mes enfants, même pas pour les femmes, en vrai. Et pour les êtres humains, je doute. Châtellerie est étonnée. Elle a le droit de faire ça ? Alors, elle a le droit, malheureusement oui, parce que avoir un enfant est un des rares cas dans lesquels une candidate peut quitter d'elle-même l'aventure. Mais c'est ma fille. C'est surtout un coup dur pour vous, ça je veux bien entendre. Mais le jeu continue, et mademoiselle, l'une de vous va devoir quand même être éliminée. Alors, s'il y en a une qui doit être éliminée, je veux que ce soit Victoire sur le champ. Non, Marc. Quoi ? Vous savez, normalement, on essaie de ménager un petit peu le suspense. Il faut donner les billets à celle qui reste. Bien sûr. Comme on a fait de... Pardon, les filles, en fait, je vais... Mesdemoiselles... Non, bah... Oui, voilà. Non, ça ne marche plus. Victor n'est pas si déçu. Non, elle s'en bat les couilles. C'est nul. Hey, les filles, je crois que c'est terminé pour moi. Qu'est-ce qu'elle le fait bien ? Victor, s'il vous plaît. Oui. Je vais demander... à Marc, s'il a un dernier message à vous adresser. Marc. Victoire, je t'ai trouvé sexiste, homophobe et raciste. Et ce ne sont pas des qualités que j'apprécie chez une femme. Et surtout, j'ai détesté que tu sois déguisé en moi. C'était très mal fait, de bout en bout, et tout le monde est d'accord pour le dire. Non, c'est super. Moi, Marc, je suis désolée, mais je ne me suis jamais autant amusée qu'en me moquant de toi. Bravo, Malik. C'était génial, je vous remercie pour ça. Et bonne Jean-Guille. Victoire, merci. Elle est terminée depuis 15 heures, la Jean-Grille. Peut-être devrais-tu te renseigner, comme pour ce costume. Marc, alors c'est la Jean-Guille, et elle reprend à 19h. Et Marc ne connaît pas du tout la Jean-Guille. Victoire, il n'a pas compris les règles. C'est un pour vous. Une voiture vous attendra devant l'hôpital. Et vous devrez partir sur le champ. Oui, et si vous pouviez tous partir sur le champ ! Allez, partez ! Allez, tout ça. Ça rappelle un plomb. Elle va me manquer, ma Victoire. Je sais que ça se voit pas, mais j'ai un cœur au-dessus de ma ch**te. Meilleure réplique de la flamme. Sarah. Châtellerie. Je le donne à mes filles. Oui. Ouais, d'accord. Oui, je suis un peu déçue, mais... En même temps, le bon côté de toute cette histoire, c'est que... Je suis confortée dans ma foi. Victoire a une sale gueule de ouf. L'homme de ma vie, il son est maquillage a coulé. Point, on dirait qu'elle sort d'une route du rock. Mais elle est très sympathique. Bon, quand même retour une belle à la découverte aujourd'hui. Oui. Cette Jean-Guille dont vous ignoriez jusqu'à présent l'existence. C'est dingue. Et avec des règles, ma foi, très bizarres. Bah, pourquoi ? Une fête qui commence à 8h et qui finit à 15h. Oui. Et qui reprend à 19h. C'est la Jean-Guille. Enfin, jamais vu ça. C'est la Jean-Guille. Pour vous, indépendamment de cette Jean-Guille, vous avez appris... L'annonce de Sarah. Ça, vous ne le saviez pas. Non, comment j'aurais pu m'en douter ? Il n'y avait aucun signe qui montrait qu'elle était enceinte. Marc, ventre. Est-ce que je suis le père de cet enfant ? Mais non, pourquoi ? Je ne vois pas bien comment vous pourriez être le père de cet enfant. Vous êtes médecin ? Non, je ne suis pas médecin. Non, vous n'êtes pas médecin, je préfère en parler à un médecin. Marc, vous n'êtes pas le père de cet enfant. D'accord. Mais je veux dire, il y a beaucoup de choses évidentes. Oui, il y a beaucoup de choses évidentes qui prouvent que vous n'êtes pas médecin. Du coup, malheureusement, on ne peut pas avoir cette conversation. Marc. Oui. Non, mais ça n'est pas ridicule. Malheureusement, vous n'avez pas fait les études suffisantes pour me parler. Enfin, je veux dire, même non, que... même là, il n'y a pas assez d'études. Non, enfin, on peut... Voilà, je ne peux pas vous entendre. Je... Mais malheureusement, vous n'êtes pas le père de cet enfant. Ah, encore une fois, une phrase de personne qui n'est pas médecin. Ah là là là là, il y en a de plus en plus dans les rues aujourd'hui. Prochainement. Merci Typhon. Bah, merci à vous. Typhon, vous êtes audio descriptrice. Pas dans la vie de tous les jours, non. Bon, eh bien, et bien, je ne peux pas vous parler alors. Super. Et vous? Au revoir. Ah, je suis audio descriptrice, mais à mes heures perdues. D'accord. Donc on peut pas se parler? Pas forcément. D'accord. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode en audio description. Ok. On passe une bonne janguille. Ouais, bonne janguille à vous. Et bonne janguille à tous nos auditeurs. Ouais. Aveugles.